Yo yo, et c'est ce moment là, S.O.N.I. Wow, quoi? Spécial dédicace pour la phénoménale prod Digital Record. C'est yes, non? Et une surtout pour la freaky family. You know? Yo! Listen! Boom. À l'heure actuelle, tu n'es qu'un petit homme. Ce que tu attends de moi, c'est que je t'appelle la leçon. Yo! Je te donnerai tout ce que j'ai de bon, tout ce que j'ai de plus profond. Le jour de ta naissance, j'étais un homme comme personne. À cet instant précis, j'étais le plus heureux des hommes. Et cela continue. Ma joie grimpe et t'as le statut de la personne la plus importante à mes yeux avec toute sa vertu. Ouais. Si ma joie s'accentue, ma femme m'annonce la venue d'une fille inattendue. J'aurais jamais cru que Dieu me donne ce présent, ce petit ange que j'avais tant voulu. Ouais. À sa naissance j'étais présent, j'ai coupé le cordon, j'ai porté ce petit bout dans ses premiers instants. Un moment très important, et crois-moi qu'à ce moment on ne peut pas exprimer ce qu'on ressent. C'est vraiment phénoménal. Une vie familiale avec sa femme, ses gosses qui sont hal. Au cœur d'une porte de reste en espérant qu'il n'y aura jamais de faille. On mémorise tous les bons moments ainsi que tous leurs détails. Wano, c'est vraiment phénoménal. Une vie familiale avec sa femme, ses gosses qui sont hal. Au cœur d'une porte de reste en espérant qu'il n'y aura jamais de faille. On mémorise tous les bons moments ainsi que tous leurs détails. Wano, Wano. Si bien en compagnie de ma famille, et non plus rien ne m'atteint quand je suis avec. Je me sens si bien en compagnie de ma famille, non plus rien ne m'atteint quand je suis avec ma famille. Quand soudain une nouvelle s'annonce, l'histoire d'un troisième enfant se prononce. Ce que je ressens, c'est un bonheur immense. Y'a quoi de plus? Plus important que la famille, yeah.